ma guise de mort, et on n'a pas que te voir le gain à mieux mon million de ma guise. Et mon guise de mourir, tu vois, mon guise de mourir, et on n'a pas que te voir le gain à mieux mon million de ma guise. Vamos.